Baptiste Milando va nous présenter son livre « Ce que nos salaires disent de nous ». Et ensemble, on va lever le gros tabou du salaire, qui est a priori, apparemment, plus important que celui du sexe. Donc aujourd'hui, nous allons parler de salaire et de ce que veulent dire nos salaires, ce qu'ils font de nous et ce qu'ils retranscrivent de, des relations que nous avons avec nos voisins, avec notre famille, avec nos amis. Merci. Donc moi, je suis enseignant en sciences sociales dans le supérieur, notamment à Sciences Po à Lyon, et puis donc ce qui m'amène aussi à intervenir à Saint-Étienne, puisqu'il y a une antenne de Sciences Po Lyon à Saint-Étienne. Et puis j'interviens également à Saint-Étienne, à l'école des mines, en école d'ingé. Donc je fais des cours essentiellement de critique sociale. À la base, en partant de l'économie, donc tout ce qui est économie sociale et solidaire, critique de l'économie, macroéconomie écologique, critique de la croissance, perspective post-croissance, question de justice sociale, question de justice environnementale. Et c'est dans le cadre de ces réflexions sur la justice sociale que j'en suis venu à écrire ce livre sur la justice salariale, enfin sur les injustices salariales à l'arrivée. Je vous disais, je vais vous parler de plusieurs livres. Donc en fait, j'ai publié deux livres en 2023 et 2024. En 2023, fin 2023, donc j'ai publié chez Payot « Ce que nos salaires disent de nous », donc qui porte précisément sur les questions d'injustice salariale. Et puis en avril dernier, avec Simon Cotin-Marx, un copain sociologue, on a publié un livre chez Gallimard qui s'appelle « Travailler sans patron ». Et donc, pour vous présenter un peu le truc... Quand on parle, donc on l'a écrit à quatre mains, ce dernier livre, Travailler sans patron, qui est un livre sur l'autogestion, clairement, mais je reviendrai plus loin. Aujourd'hui, quand on présente ce livre, Simon et moi, on s'est rendu compte qu'on le présentait de manière différente. Donc lui, quand il présente, il dit c'est un livre sur l'ESS, sur l'économie sociale et solidaire. Et moi, quand je le présente, je dis c'est un livre sur l'autogestion. Et en fait, c'est la conséquence sans doute du cheminement qui nous a conduit l'un et l'autre à écrire ce livre à quatre mains. Et en fait, on peut tous les deux dire que ce livre « Travailler sans patron » est la suite logique de nos précédents livres respectifs. C'est-à-dire que lui a écrit un livre avant. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, Simon Cotin-Marx, dans la salle. Il y en a qui travaillent dans des associations, à main levée. Qui travaille dans une association ? Travail salarié, oui. Ouais, dans une association employeuse. Non ? Du coup, Simon Cotin-Marx, il est connu logiquement des gens qui bossent dans des associations employeuses parce qu'il a écrit un bouquin très très bien, que je vous conseille vivement, qui s'appelle « C'est pour la bonne cause ». C'est pour la bonne cause, où il revient sur certaines défaillances dans la gestion et l'organisation des associations employeuses qui entraînent une dégradation des conditions de travail et des conditions de rémunération, pour le dire vite. Et du coup, alors ça s'explique par plein de facteurs, j'y reviendrai sans doute un peu plus loin. Et un des facteurs, c'est que dans une association, généralement, on travaille pour la bonne cause. Et puisqu'on travaille pour la bonne cause, on est prêt à sacrifier une partie des conditions de travail, des conditions de rémunération. Son bouquin a eu, je dirais, trop de succès. Trop de succès dans le sens où quand un bouquin comme ça rencontre un public, c'est pas bon signe. Quand un bouquin qui dit « Regardez comment ça se passe mal dans les associations à beaucoup de lecteurs et lectrices », c'est qu'effectivement, ça se passe vraiment mal dans les associations. Et donc, il a fait plein de conférences pour présenter son précédent livre. Et tout le monde tombait d'accord sur le constat. Effectivement, les conditions de travail et de rémunération dans les associations employeuses ne sont pas top. Simplement, à la fin de ces conférences, il n'y avait pas forcément de perspective positive. Une fois qu'on était arrivé sur un constat qui était plutôt nul, chacun repartait avec beaucoup de colère et pas forcément de solution. Donc il s'est dit assez logiquement, en fait, il faut maintenant un autre livre, la suite de « C'est pour la bonne cause », qui permette d'esquisser un peu des pistes de réflexion ou d'organisation pour faire en sorte que les conditions de travail dans le champ de l'ESS, de manière générale, s'améliorent. D'où ce livre « Travailler sans patron ». Donc ça, si Simon était devant vous, c'est ça qu'il vous dirait. Mais vous n'avez pas Simon devant vous. Vous avez donc l'autre auteur. Et moi, j'aurais tendance à dire non. Travailler sans patron n'est pas la suite logique de « C'est pour la bonne cause ». Travailler sans patron est la suite logique de « Ce que nos salaires disent de nous ». Donc le livre que j'ai écrit précédemment. Alors je vous explique un peu Donc je vais procéder en deux temps. D'abord, je vous explique ce que je dis dans ce que nos salaires disent de nous. Et ensuite, je vous présenterai un peu plus ce qu'on dit dans travailler sans patron. Parce que c'est le même principe à l'arrivée, à la fin de ce que... Spoiler. À la fin de ce que nos salaires disent de nous. J'arrive à une conclusion que je ne trouve pas satisfaisante, à base d'injustice salariale, tout ça. Et travailler sans patron, à mon sens, permet d'esquisser des pistes de réflexion ou d'organisation qui permettraient de régler une partie de ces injustices. C'est bon pour tout le monde. Alors, je commence par le point de départ de ce que nos salaires disent de nous. Alors, attendez que je ne me perde pas. Oui, c'est ça. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec une personne qui souhaitait assister à ma conférence. Je disais, le titre est mensonger. Ce que nos salaires disent de nous, je le dis tout de suite, hein, qu'il n'y ait pas de réclamation après. En fait, d'abord, le point de départ du livre, c'est ce que nos salaires ne disent pas de nous. Et ce que nos salaires ne disent pas de nous, déjà, c'est notre utilité sociale, l'utilité sociale de nos activités professionnelles. Ça, c'est un constat qu'on peut assez facilement faire. Je vous donne juste quatre pistes de réflexion là-dessus. Alors, d'une part, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Alors, je vous ai dit, j'enseigne à Sciences Po et puis à l'École des Mines. Ça, c'est en formation initiale. Et puis, en formation continue, j'interviens dans un institut qui a un stand là, à Tatou Juste, qui s'appelle l'Institut Transition. Institut Transition, donc, est basé à Lyon et qui propose des formations pour des gens qui sont en reconversion professionnelle. Donc, des gens qui, la plupart du temps, alors on a quoi comme profil ? On a beaucoup d'ingénieurs, on a quelques commerciaux, des gens qui, au bout d'un moment, finissent par se dire, en fait, ce que je fais dans mon boulot, c'est pas top top, en tout cas, j'y trouve pas énormément de sens, et puis il y a plein de problématiques contemporaines qui méritent davantage de temps de travail, les questions de transition écologique et solidaire, notamment. Et donc, ces gens rentrent dans une année de formation, et vient toujours un moment, au cours de l'année de formation, où... il y a ce moment de doute, ce moment où les personnes formées se rendent compte qu'elles ont quitté un boulot qui était plutôt bien payé et qu'elles vont s'engager dans la transition écologique et solidaire. Et que dans la transition écologique et solidaire, globalement, les niveaux de rémunération sont nettement plus faibles que dans les secteurs dans lesquels ils bossaient auparavant. Et là, c'est un vrai moment de crise, de doute. Et en fait, ça met simplement en lumière le fait que en fait, la transition écologique et solidaire, on en a absolument besoin. C'est un truc, c'est indispensable. Et pourtant, c'est absolument pas rémunérateur. Il y a un vrai décalage entre contribution à l'utilité collective et niveau de rémunération. Donc ça, c'est première illustration du fait que l'utilité sociale ne paye pas. Deuxième illustration qu'on a toutes et tous pu faire, le confinement. Le confinement, et ça je dis toutes et tous, même en haut lieu, souvenez-vous d'Emmanuel Macron qui, lors de sa... deuxième allocution, donc nous sommes à soit fin mars, soit début avril 2020, je ne sais plus si vous vous souvenez de ça, donc Emmanuel Macron, moi je repense encore à cette intervention, je me souviens, j'avais le cœur serré, je me disais ça y est, ils ont compris. Ce moment où il dit, notre économie tient, notre société tient tout entière sur le travail d'hommes et de femmes que nous reconnaissons et rémunérons si mal. Vous vous souvenez de ça? En fait, ce qui mettait en lumière, c'était qu'effectivement, il y avait une totale rupture entre utilité, contribution à l'utilité collective et niveau de rémunération. Ce qui avait été déjà pointé auparavant par David Graeber dans son livre sur les bullshit jobs, donc où il disait là aussi, si les personnes les mieux payées s'arrêtent de travailler demain, on ne le verra pas. Si les personnes les moins bien payées s'arrêtent de travailler demain, c'est la crise. Donc, lui, il va plus loin, il dit pas simplement qu'il y a une décorrélation entre utilité sociale et niveau de rémunération, il dit en fait qu'il y a un rapport inversement proportionnel entre utilité sociale et niveau de rémunération. Plus on est nuisible, plus on est payé. Plus on est utile, moins on est payé. Ça me semble assez juste, en fait, son raisonnement. Il y a une étude de la NEF, la New Economic Foundation, qui a documenté ça aussi, ce phénomène de déconnexion entre utilité sociale et niveau de rémunération, et donc qui pointe le fait que, alors, les autrices recensent différentes professions, et on s'aperçoit là aussi que les professions les mieux payées sont celles qui nuisent à la société, et les professions qui sont juste indispensables, qui contribuent le plus à l'enrichissement collectif, sont celles qui sont les moins bien payées. Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Graeber. Et c'est illustré aussi, alors dans le livre, dans ce que nos salaires disent de nous, je prends un exemple que j'emprunte. Je vous ai dit que j'avais déjà fait deux interventions dans la journée. J'ai Clémence, j'ai perdu son nom, je suis navré. Une journaliste. J'oublie tout. Je retrouverai peut-être tout à l'heure. Bref, une journaliste qui fait un article sur le tabou de l'argent. Et donc, elle fait référence à trois jeunes actifs qui discutent, qui décident de lever le tabou des salaires et donc de se dévoiler leur salaire. Les trois jeunes commencent à parler comme ça de leur salaire et en fait, ils s'aperçoivent qu'il y en a deux qui sont nettement mieux payés que le troisième. Et le troisième le prend plutôt mal. Il dit, comment ça se fait ? Enfin, toi, tu es commercial, toi, tu travailles dans une banque, vos boulots, ils ne servent à rien et vous êtes payé deux fois plus que moi. Et donc, les autres se défendent en disant, mais oui, mais toi, tu changes le monde. Et c'est cool. Et donc, du coup, ça permet de se dire, en fait, toi, tu es utile. Donc, tu voudrais être utile et en plus être bien payé ? Est-ce que ce ne serait pas un peu du foutage de gueule ? Une double rémunération ? Non seulement tu as un boulot qui est intéressant, et en plus tu devrais bien être payé. Et en fait, ça permet de se rendre compte, du coup, à contrario, que en fait, ce qu'on paye avec des salaires particulièrement élevés, c'est la vacuité de ces activités. Ce qui pose problème en termes de justice salariale, évidemment. On ne peut pas se dire, on vous paye bien juste parce qu'on sait que ce que vous faites, ça ne sert à rien, ou pire, c'est nuisible. Et pour accepter de faire un truc nuisible, il faut vraiment des très très très gros salaires. Vous voyez que ça pose vraiment problème. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un problème dans la distribution actuelle des salaires. Mais je pense que si vous êtes venu ici, c'est que vous le saviez déjà. On va essayer du coup d'ouvrir un peu la boîte des rémunérations pour voir où se trouve le problème. D'abord, quelques ordres de grandeur sur l'ampleur des inégalités salariales. Alors j'en parlais tout à l'heure sur l'interview sur le plateau radio. Dans le livre, j'essaye de faire un parallèle entre inégalité salariale et la Tour Eiffel. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en gros, je me dis, il y a une course qui existe, je ne sais pas si vous la connaissez, le principe de la course, c'est on part du bas de la Tour Eiffel et le premier arrivé en haut de la Tour Eiffel a gagné. Donc là, j'essaye de reprendre cette image de cette course dans la Tour Eiffel en disant si la société française, enfin l'ensemble, si nous tous, nous décidons de nous lancer dans la course au sommet de la Tour Eiffel et qu'on s'arrête pile à notre niveau de rémunération, donc en reprenant en fait, en retraduisant la distribution actuelle des salaires sur la hauteur de la Tour Eiffel, comment ça se passerait ? Et en fait, on s'aperçoit que la moitié seulement de la population française arriverait au premier étage. Pour vous donner une idée de la distribution actuelle des salaires. La moitié de la population arriverait au premier étage, et seulement 10% de la population arriverait au deuxième étage. Donc pour vous donner, je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'est foutu la Tour Eiffel, le premier étage, il est à un quart de la hauteur de la Tour Eiffel. Donc la moitié de la population se trouve dans le premier quart de distribution des revenus. Ensuite, donc, le deuxième étage, plus que 10%, et évidemment, un seul pourcent arriverait au sommet de la Tour Eiffel, et c'est paradoxalement, donc là on voit qu'il y a quand même des gros écarts de rémunération avec une forte concentration dans le bas de la distribution des revenus, mais en fait paradoxalement les écarts de rémunération sont encore plus élevés dans le dernier pourcent. C'est-à-dire que quand on arrive dans le dernier pourcent de rémunération, là les inégalités sont encore plus criantes. Et donc là l'exemple que je prends dans le livre c'est des gens comme Carlos Tavares par exemple ou Kylian Mbappé, avant qu'ils partent pour l'Espagne, si on les cherche, on ne les trouve pas dans la Tour Eiffel. En fait, ils sont à perte de vue. Ils sont au niveau de la stratosphère. Mais littéralement. C'est-à-dire que dans le dernier, le dernier pourcent de la distribution est plus inégalitaire que l'ensemble des 99% précédents. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut justifier ça ? Quels sont les critères qu'on peut mobiliser pour justifier des inégalités salariales ? Alors, globalement, avant de partir sur les justifications. Une première difficulté, c'est qu'il y a une différence entre explication et justification. C'est-à-dire qu'il est assez facile en fait, d'expliquer les inégalités salariales. On sait assez bien d'où elles viennent, les inégalités salariales. Globalement, il y a deux critères principaux qui permettent de comprendre les inégalités salariales. Je ne sais pas si vous les avez. Alors, le diplôme en deux bandes. Ouais. L'origine sociale, clairement. Vous avez le deuxième ? Le sexe. Origine sociale et sexe. L'origine sociale, c'est 40% des inégalités salariales. le sexe, c'est 25% des inégalités salariales. Et quand je dis 40% et 25%, en fait, on pourrait, enfin, les chiffres eux-mêmes sont contestables généralement. Donc on dit, par exemple, il y a une différence de salaire de 25% entre les hommes et les femmes. Mais ça, c'est en prenant comme point de référence le salaire des hommes. Si on prend comme point de référence le salaire des femmes, du coup, c'est plus. Enfin, c'est de l'ordre de 33%, en fait. Mais donc, du coup, tout est une question de point de vue. Bref, vous voyez bien que quand on dit que l'essentiel des inégalités de rémunération sont liées à l'origine sociale d'une part et au sexe de l'autre, à aucun moment en fait ça repose sur le mérite. À aucun moment on peut dire à une femme, bah oui mais tu gagnes moins, mais tu comprends, c'est mérité parce que t'es une femme. À l'évidence, on peut pas dire ça. Donc très vite on se rend compte que les inégalités salariales sont des injustices salariales. Ça n'est pas justifié par le mérite. Mais malgré tout, on vit dans cette société, et vous voyez quand même aussi que les inégalités salariales, on essaye de les justifier autant que possible. C'est pour ça aussi qu'il y a un tabou autour des salaires, parce que dès lors qu'on parle des salaires, on voit qu'il y a des inégalités, et il faut pouvoir les justifier. La question de la transparence salariale dans les entreprises, c'est ça en fait qui fait débat, c'est que dès qu'on met en place la transparence salariale, il faut pouvoir justifier les inégalités salariales, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'inégalités salariales qui sont juste pas justifiables. Quels sont les critères qui sont mobilisés aujourd'hui pour justifier les inégalités salariales? Alors, on va avoir notamment, la question du diplôme, qui va emmener la question de la productivité, ou de l'efficacité de la productivité. Ensuite, je vais passer en revue la question de l'utilité sociale, et puis tout ça nous amènera à aborder la question de la pénibilité. Les principaux critères, donc pour revenir au début, c'est diplôme et productivité. Et il me semble que ces deux critères ne sont pas satisfaisants. Alors je précise tout de suite aussi que ce soit clair, avec un gros spoiler. Donc je suis égalitariste radical. Donc je pars du principe que l'égalité devrait être la norme. Donc on part de l'égalité et on doit pouvoir justifier tout écart vis-à-vis de l'égalité. C'est ça mon postulat. Et du coup j'ai un point de vue plutôt hostile vis-à-vis des inégalités. Je le précise au cas où. Bref, je reviens sur les critères. Donc, comment est-ce qu'on peut justifier des inégalités salariales à partir du critère du diplôme? En gros, les arguments sont les suivants. Le diplôme implique un effort particulier des diplômés, implique un coût aussi, le coût des études. Coût des études auquel s'ajoute un manque à gagner. Quand on fait des études, quand on suit des études, on peut moins travailler. Où on ne peut pas travailler, et donc du coup ça empêche d'obtenir des salaires plus tôt. Et puis donc le dernier argument, c'est le diplôme accentue la productivité des diplômés par rapport aux non-diplômés. Voilà les différents arguments qui sont avancés. Je ne vais pas passer en revue chaque argument. Si vous voulez le détail de cette présentation, je vous conseille vivement d'acheter le livre. Je ne sais pas si la librairie est... Ouais. Mais globalement, pour le dire très très vite, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé mes études, et je considère en tant qu'enseignant que je suis un peu un étudiant à vie. Je vois que ça peut demander des efforts de lire, d'apprendre, etc. Mais je vois pas en quoi cet effort serait plus important que l'effort demandé à n'importe quelle personne qui irait bosser sans diplôme aujourd'hui. En fait, je ne vois pas pourquoi ça permet de justifier des inégalités salariales. J'aurais plutôt tendance à dire que les études sont une chance plutôt qu'un effort particulièrement coûteux. Sur le coût économique des diplômes, alors là, je fais un calcul rapide en prenant le niveau de, enfin le coût des formations les plus coûteuses aujourd'hui en France. Donc là, il faut aller se tourner vers notamment les écoles de commerce. Les plus chers, donc on est autour de 15 000, 18 000 euros l'année, globalement. Donc je prends ce coût et je le lisse sur une carrière. Donc si on doit répercuter ce coût en salaire sur un peu plus de 40 ans de travail, en fait on s'aperçoit que ça permettrait de justifier des inégalités salariales d'environ 200 euros par mois. 200 euros par mois, je dirais seulement. Et une fois que je dis ça, ensuite il faudrait immédiatement se poser la question, mais à quoi ça sert en fait ces formations à 15 000 et 18 000 euros? Et en fait, on s'aperçoit que ça sert essentiellement à avoir des salaires nettement, nettement, nettement plus élevés. C'est le seul intérêt de ce type de formation. Sur le manque à gagner, en fait, même chose. Si on regarde ce qu'on pourrait gagner pendant 5 années d'études où on n'a pas d'emploi, en fait, on s'aperçoit que c'est là aussi 200 euros d'inégalité salariale qu'on pourrait revendiquer sur l'ensemble de la carrière. Ce qui fait que 200 euros plus 200 euros, on est à 400 euros d'écart entre quelqu'un qui fait un bac plus 5 dans une grande école de commerce et quelqu'un qui commence directement après le bac, par exemple. 400 euros, c'est sans commune mesure avec ce qu'on observe aujourd'hui comme inégalité salariale entre diplômés et non diplômés. Reste la question de la productivité. Est-ce que quand même, quand on a fait des études, on n'est pas plus productif, pas plus efficace quand on n'a pas fait d'études? Et c'est là qu'on s'aperçoit que derrière toute cette question d'inégalité salariale, il y a d'abord une histoire de rapport de force. Parce que cette question de la productivité, en fait, elle est autoréférentielle. Enfin, c'est un raisonnement circulaire qui nous conduit à évaluer la productivité. Ça, c'est un économiste qui s'appelle Philippe Askenazy qui l'a très très bien montré dans un livre qui s'appelle « Tous rentiers », où il dit que pour évaluer la productivité, on s'appuie sur le niveau de rémunération des gens. Il prend un exemple simple. Il dit, comment est-ce qu'on sait que les femmes de ménage sont pas productives, sont moins productives que des chefs, par exemple? Elles sont moins bien payées. Si elles étaient plus productives, elles seraient mieux payées. Donc c'est bien la preuve qu'elles sont moins productives, donc il faut moins les payer. En fait, le raisonnement, c'est exactement ça. Je schématise un tout petit peu, mais le raisonnement, c'est ça. En fait, la productivité découle directement du niveau de rémunération et on va s'appuyer sur ce niveau de rémunération pour justifier le niveau de rémunération. En fait, lui, il prend l'exemple d'un hôtel. Il dit, ben, dans un hôtel, il y a différents postes. On va avoir un comptable, on va avoir des chefs, on va avoir donc des femmes de ménage. Je dis femmes de ménage parce que majoritairement, ce sont des femmes. Et en fait, on va dire, ces femmes de ménage contribuent moins à la richesse de l'hôtel, parce que, regardez leur salaire, ça contribue nettement moins à la richesse de l'hôtel. Donc la productivité découle du salaire. Et donc vous voyez qu'à l'arrivée, en dernière instance, ce qui fait que les femmes de ménage sont moins bien payées, c'est juste le rapport de force. C'est juste le rapport de force, enfin, qui est largement défavorable aux femmes de ménage. Donc tout ça pour dire que, et le diplôme, et la productivité ne sont pas des bons critères de justification des inégalités salariales, de mon point de vue. J'arrive à la question de l'utilité. Donc ça, encore une fois, c'était le point de départ du livre. Est-ce qu'il serait possible de caler les niveaux de rémunération sur l'utilité sociale? Et là, en fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'il est très difficile d'évaluer l'utilité sociale des différentes activités. Alors j'essaye de passer en revue différents critères qui permettraient d'évaluer l'utilité sociale des activités. Et en fait, aucun des critères ne me semble satisfaisant. Le premier critère, c'est le PIB. Le PIB pourrait être défendu par des économistes comme un bon critère d'évaluation de la richesse. Enfin, de fait, c'est le critère, le principal indicateur qu'on utilise pour évaluer la richesse d'un État aujourd'hui. Or, le PIB pose plein de problèmes. Je ne l'ai pas dit en me présentant tout à l'heure, enfin je ne l'ai pas dit explicitement, mais je fais partie des décroissants et objecteurs de croissance, donc de celles et ceux qui disent qu'il faut sortir de la croissance et de son monde. Et donc, évidemment, on dit que le PIB n'est pas un bon indicateur, ou alors ce serait un bon indicateur à faire baisser plutôt qu'à faire augmenter. Ce serait ça notre position. En fait, il y a plein de failles dans le PIB, notamment la principale faille, c'est que le PIB ne va comptabiliser que la richesse marchande et monétaire, ce qui fait qu'il y a des tas d'activités. Du coup, Emma me demandait tout à l'heure, quand je disais qui travaille dans une association, tu disais travail salarié, j'imagine qu'il va y avoir des bénévoles. Bah, ne serait-ce que voilà, dans le salon aujourd'hui, vous avez vu plein de gens avec des badges marqués bénévoles. Bah, tous ces bénévoles en fait ne contribuent pas à l'enrichissement collectif au sens du PIB. Ce salon n'existerait pas s'il n'y avait pas tous ces bénévoles. Donc on voit que le PIB n'est pas un bon indicateur pour évaluer l'utilité sociale. Je parlais tout à l'heure de l'étude de la NEF, la New Economics Foundation, sur l'utilité sociale de différents métiers. Là aussi, leur critère d'évaluation me semble insatisfaisant. Pour vous donner une illustration, l'idée, ça va être de calculer là le retour social sur investissement. Donc la question, c'est si je mets tant sur cette activité, combien est-ce que ça va permettre à la société d'économiser? L'exemple que je prends dans le livre, c'est l'évaluation de l'utilité sociale d'un centre d'hébergement de personnes souffrant de dépendance. Et donc globalement, ce que dit l'étude, c'est que, alors ça se passe en Angleterre, donc une livre dépensée pour financer ce centre, ça permet de générer d'économiser 3 livres pour la collectivité. Donc en gros, ce qui pointe, c'est que héberger, là en l'occurrence, une mère dépendante et sa famille, ça permet d'économiser tous les frais de gestion, de placement de ses enfants. par exemple tous les frais annexes qui vont être liés à la situation sociale difficile de la famille, etc. Et là, vous voyez que c'est une approche très très limitative de l'utilité sociale. Parce que si on demandait à la mère de famille en question quelle est l'utilité de ce centre, elle dirait pas ça permet d'économiser les frais de placement de mes enfants. Elle dirait ça permet juste de me sauver la vie. Ça permet de sauver ma vie familiale, en fait. Enfin, et ça, c'est incommensurable en termes de valeur. On ne peut pas dire que c'est juste 3 livres pour une livre investie. Donc ça nous donne une vision assez tronquée de l'utilité sociale. Et de la même manière, une troisième manière d'évaluer l'utilité sociale, ça a été celle qu'on a mise en place, en œuvre, dans le cadre du confinement, où on s'est dit il y a des activités essentielles. Il y a des activités essentielles et donc il y a les autres. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous étiez, vous, pendant le confinement. Mais globalement, on sait que ça a fait des déçus. Alors des déçus qui se sont rendus compte qu'ils ne servaient pas à grand-chose. Et puis des déçus qui pouvaient légitimement être déçus en se disant « Mais quand même, nous, quand on n'est pas là, bah, la société en souffre. » Je pense à tous les lieux de convivialité. Je pense à tous les acteurs de la culture qui ont pu se dire légitimement, en fait, la société, et on a pu se dire, la société est quand même vraiment, vraiment moins bien quand il n'y a pas tout ça. Et donc, du coup, ce que ça montre, c'est que ce partage des activités entre activités essentielles et activités non essentielles, tel qu'il a été porté par le gouvernement, et la plupart des gouvernements, par ailleurs, repose sur une approche des besoins qui ne me semble pas satisfaisante, qui est l'approche des besoins portée par Maslow, notamment. Donc, je ne sais pas si vous voyez Maslow, Abraham Maslow, avec la pyramide des besoins, qui va dire, en gros, d'abord, on se soucie des besoins physiologiques, puis ensuite, on se soucie des besoins de sécurité, et puis, enfin, tac, tac, tac, on continue à monter, et puis, à la fin, on se soucie des besoins d'épanouissement, et de reconnaissance sociale, etc. Et ben en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir ce type d'approche. On ne peut pas avoir ce type d'approche, parce que, je ne sais pas vous, mais je sais que moi, je ne supporterai pas une vie qui se contenterait de satisfaire les 2 premiers étages de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que boire, manger, dormir et avoir un toit, c'est cool, mais c'est pas une vie authentiquement humaine. S'il n'y a pas de lien social, s'il n'y a pas de convivialité, s'il n'y a pas de culture, etc., à mon sens, ça n'est pas une vie authentiquement humaine. Et donc, du coup, ce partage entre activité essentielle et activité non essentielle, tel qu'il a été mis en œuvre donc, dans le cadre du confinement, ne me semble pas pertinent pour évaluer l'utilité sociale des différents métiers. Pour autant, tout ça me permet de dire que l'utilité sociale déborde largement. Alors, l'utilité sociale n'est pas fidèlement traduite par le niveau de rémunération. Et au-delà de ça, l'utilité sociale déborde largement le champ de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'activités qui ne sont pas aujourd'hui rémunérées, mais qui sont juste indispensables au bon fonctionnement de la société. Et cet argument-là, je le mobilise pour défendre une proposition que je porte depuis un petit moment maintenant, qui est le revenu inconditionnel. Donc l'idée de verser un revenu sans condition et sans contrepartie. Alors le revenu inconditionnel maintenant, logiquement, depuis au moins la magistrale campagne de Benoît Hamon, tout le monde en a entendu parler. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas entendu parler? À main levée. Donc, personne ne se dénonce. Tout le monde en a entendu parler, mais alors je ne sais pas de quel type de version vous avez entendu parler, parce qu'une des difficultés du revenu inconditionnel, c'est qu'il y a plein de versions différentes de ce revenu inconditionnel. Vous avez des versions de droite, vous avez des versions de gauche, vous avez des versions ni de droite ni de gauche. Vous savez ce qu'on dit, des versions ni de droite ni de gauche? De droite, exactement. Mais mon côté charitable me pousse à dire ni de droite ni de gauche, donc pas de gauche, juste. Bref, vous avez plein de versions différentes. Je vous présente la version que je défends. Je vous dirai les difficultés que ça implique juste après. Moi, je défends une version du revenu inconditionnel qui est une version décroissante et antiproductiviste. Donc, le principe du revenu inconditionnel, c'est qu'il faut verser un revenu à tout le monde, sans condition et sans contrepartie. Sans condition, ça veut dire sans condition d'âge, c'est versé tout au long de la vie. Ça veut dire sans condition de revenu, ça veut dire que c'est cumulable avec n'importe quelle autre source de revenu. Sans condition de situation familiale, ça veut dire qu'il est versé à titre individuel. Sans condition de situation professionnelle, c'est-à-dire qu'on le perçoit qu'on ait un emploi ou pas. Je ajouterai sans condition de nationalité. La seule condition que je retiens, c'est une condition de résidence. Donc moi, mon point de vue, c'est en fait pour être assujetti à l'impôt sur le revenu, aujourd'hui, il faut 6 mois de résidence. À partir de 6 mois de résidence, on paye l'impôt sur le revenu. Mon raisonnement, c'est qu'il faudrait appliquer exactement le même principe pour le revenu inconditionnel. 6 mois de résidence, on perçoit le revenu inconditionnel. Que ce soit pas un revenu pour touristes, si vous voulez. Ça, c'est la seule condition que je retiens. Sans contrepartie. Ensuite, sans contrepartie, ça veut dire qu'il est versé sans qu'on demande aux bénéficiaires de réaliser un travail d'intérêt général. Il ne s'agit pas de mettre en place un système de workfare. comme on essaye de le faire, enfin comme on commence à le faire pour le RSA par exemple. Sans contrepartie, ça veut dire sans qu'on demande aux bénéficiaires de rechercher activement un emploi, comme on le fait pour les indemnités chômage ou le RSA aujourd'hui. Et sans contrepartie, ça veut dire aussi qu'on ne va pas demander aux bénéficiaires de se retirer du marché du travail, alors dans une logique qu'on appelle celle du tititainment, du nom, en reprenant la formule de Zbigniew Brzezinski, qui était un conseiller américain, donc qui disait en fait on est dans une société qui fait de plus en plus de gains de productivité, et le problème de ces gains de productivité, c'est qu'on aura besoin de moins en moins de monde pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Et il dit en fait se dégage une société des, enfin l'horizon d'une société des 2/10, 20% de la population employée permettra de répondre aux besoins de 100% de la population. Et la question qui se pose, c'est que faire des 80% restants? Et sa solution, c'est du pain et des jeux. Tititainment, du pain et des jeux. Alors, c'est une formule plus argotique que du pain et des jeux, mais vous traduirez. Et donc, il dit, on va verser un revenu inconditionnel, mais la contrepartie de ce revenu inconditionnel, c'est on vous donne un revenu, donc du pain et des jeux, mais vous ne vous souciez pas des questions d'organisation collective. Le revenu inconditionnel que je défends ne reprend pas cette logique-là. Donc sans condition, sans contrepartie. Un autre point important de définition, c'est le montant. Dans mon optique, le montant doit être suffisant. C'est notamment ce qui permet de faire la différence entre les propositions de droite et les propositions de gauche. Les propositions de droite proposent des montants volontairement insuffisants, en disant en fait on vous donne une base, et ensuite vous avez la possibilité, en fait, la contrainte de rechercher un complément de revenu avec en plus une suppression du SMIC par exemple qui permet de libéraliser totalement le marché du travail. Dans les propositions de gauche, généralement les montants sont suffisants, et donc par suffisant, moi j'entends trois choses: suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion et suffisant pour échapper à l'exploitation. Suffisant pour échapper à la pauvreté, ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel doit être au moins égal au seuil de pauvreté, donc 60% du revenu médian. Suffisant pour échapper à l'exclusion, ça veut dire qu'il doit permettre de subvenir de manière satisfaisante à ses besoins. Et suffisant pour échapper à l'exploitation, ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel doit permettre de vivre décemment en se passant durablement d'emploi. On doit avoir la possibilité de se passer durablement d'emploi, et donc de refuser l'exploitation salariale, notamment. C'est ça le raisonnement. Dernier point de définition, il y a plein de fondements différents qui sont mobilisés pour défendre le revenu inconditionnel. Encore une fois, moi, le fondement que j'utilise, c'est la reconnaissance de la contribution de chacun et chacune d'entre nous à l'enrichissement collectif. Je dis que, en gros, pour le dire vite, nous sommes tous bénévoles dans une grande association qu'on appelle société. Donc je disais tout à l'heure, ce festival, ce salon, il ne tourne que s'il y a des bénévoles. Mais en fait, au quotidien, nous réalisons toutes et tous un travail de bénévole pour faire tourner notre grande association qui s'appelle Société. Ce travail, il commence dès lors qu'on prend soin de nos liens. On fait en sorte qu'il y ait toujours quelque chose plutôt que rien. C'est ça le raisonnement. Donc je dis, il faudrait mettre en place un revenu inconditionnel. Mais très vite, lorsqu'on parle de revenu inconditionnel, il y a plein d'objections qui arrivent. Je ne vais pas passer en revue toutes les objections, on aura sans doute l'occasion d'en parler quand... Oh là là, j'ai dit que je n'allais pas faire... Quand je vous donnerai la parole pour en débattre. Mais il y a une objection qui vient souvent, c'est si on met en place un revenu inconditionnel, qui fera les tâches pénibles? Si le revenu est d'un montant suffisamment élevé pour se passer durablement d'emploi, qui fera les tâches pénibles? Je ne sais pas si c'est une objection que vous aviez en tête, mais je vous propose tout de suite de la détricoter. En fait, quand on dit qui fera les tâches pénibles, la question qu'on pose, c'est qui fera encore les tâches pénibles? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font ces tâches pénibles. Est-ce que ces gens feront encore ces tâches pénibles? Donc en fait, si on se pose la question, ça veut dire que si on met en place ce revenu, on se doute que ces gens vont arrêter de les faire, ces tâches pénibles. Donc la question, c'est qui acceptera encore de faire ces tâches pénibles? Donc on se dit que si ces personnes avaient la possibilité de s'en passer, elles feraient évidemment le choix de s'en passer. Très vite, si on fait un petit pas de plus, on s'aperçoit que si on se pose la question, c'est que soi-même, on est assez épargné de la réalisation de ces tâches pénibles. Parce que si vous êtes directement concerné par la réalisation de ces tâches pénibles, quand on vous parle de revenus inconditionnels, vous n'allez pas vous dire « Non, attendez, qui fera les tâches pénibles ?» Vous allez vous dire « Chouette, je vais pouvoir faire tout à fait autre chose que ce que je fais quotidiennement. » Donc en fait, la question, c'est qui acceptera encore de faire les tâches pénibles à notre place, à ma place. Et si on est honnête, la seule conclusion logique qu'on peut en tirer, c'est heureusement qu'il y a des pauvres aujourd'hui pour réaliser les tâches pénibles à notre place. Et vous voyez, quand je le dis à haute voix, c'est moche. C'est plutôt moche. À aucun moment, ça peut être une justification. En fait, la question qu'on devrait se poser, c'est pour ça que je dis souvent, défendre le revenu inconditionnel, c'est une forme d'aïkido. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez toutes et tous à quoi ça ressemble l'aïkido. Le principe de l'aïkido, qui est un art martial, c'est utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Ben, en fait, toutes les objections qu'on oppose au revenu inconditionnel peuvent aisément être retournées contre la société actuelle. Vous me demandez qui fera les tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel, je réponds, mais qui les fait aujourd'hui et à quel moment c'est juste ? À quel moment ce qu'on appelle la division morale du travail, qui consiste à déléguer systématiquement les tâches pénibles à d'autres, aux subalternes, aux femmes, aux immigrés, etc. À quel moment c'est juste ? Et est-ce qu'il faut se satisfaire de cette situation-là ou essayer de la résoudre autant que possible avant même l'instauration d'un revenu inconditionnel ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Enfin, tout ça me conduit à dire qu'il y a sans doute un critère qui me semble juste pour valider des inégalités salariales, c'est la pénibilité des tâches effectuées. En fait, on s'aperçoit que si on mettait en place un revenu inconditionnel, alors ça entraînerait vraisemblablement une augmentation des niveaux de rémunération des tâches les plus pénibles. Et ça me semblerait assez juste. Mais dès que je dis ça, je me dis aussi que si j'accepte ce type d'inégalité salariale, ça veut dire que j'accepte aussi les inégalités de pénibilité. Et mon côté égalitariste m'interdit d'accepter ce type d'inégalité de pénibilité qui conduirait à pérenniser cette division morale du travail. Donc déléguer le sale boulot toujours aux autres, ça me pose problème. Du coup, c'est pour ça que je dis que travailler sans patron est la suite logique de ce que nos salaires disent de nous. En fait, j'arrive à la conclusion qu'il faut autant que possible partager les tâches pénibles. Et des tâches pénibles, on va en trouver à tous les niveaux. Alors généralement, moi j'ai tendance à dire les tâches pénibles, on les trouve souvent au bas de la distribution des revenus, distribution des salaires. Donc c'est ceux qui sont les moins, ceux et celles qui sont les moins bien payés qui vont faire les tâches les plus pénibles. Mais immédiatement, les patrons vont me dire non. Nous, au sommet de la pyramide, nous avons énormément de responsabilités. Avec cette responsabilité, il y a beaucoup de charges mentales, il y a une pénibilité, et ça, il faut aussi le reconnaître. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes très, très, très bien payés. Et je me dis, il faut les écouter, il faut les entendre. Il faut voir leurs revendications salariales comme un appel à l'aide, pour le dire clairement. Un signe de la trop grande pénibilité qu'on trouve au sommet de la pyramide. Et donc, je me dis, le plus simple serait de se passer de patron. Partageons la peine à tous les niveaux, et donc faisons en sorte de supprimer autant que possible les hiérarchies. D'où travailler sans patron. C'est tout bon. Du coup, je vous fais vite le pitch de travailler sans patron, et puis je vous laisse la parole. En gros, donc, quand on a bossé avec Simon sur travailler sans patron, on s'est rendu compte que, alors d'une part, quand on parle d'autogestion, le premier réflexe de la plupart des gens, c'est de dire « ouais, c'est une chouette idée, n'empêche, c'est pas possible, donc on peut passer à autre chose, globalement ». Et, spoiler, c'est faux, c'est possible. Je pourrais dire même, je l'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai bossé avant d'enseigner dans une coopérative autogérée qui existe encore, à Lyon. Mais malgré tout, c'est pas simple d'avoir une organisation autogérée. Et notamment, on est parti, le début du livre, c'est un immense défi qui nous a été lancé il y a quelques décennies par un sociologue qui s'appelle Albert Meister. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Albert Meister. Non, personne. C'est dommage, c'était un spécialiste de l'autogestion qui a fait le tour du monde pour voir plein d'expériences autogérées. Il a publié plusieurs livres et il a écrit un article que vous pouvez trouver gratuitement sur internet. Vous pouvez le lire, il est déprimant cet article, il se lit très vite, mais il est déprimant. On pleure longtemps après. Le titre de l'article, c'est « Le songe égalitaire ». Et dans « Le songe égalitaire », en gros, il nous dit deux choses. Il nous dit, alors après c'est une histoire de verre à moitié vide ou de verre à moitié plein, vous verrez. Donc il nous dit deux choses, il nous dit « J'ai vu plein d'expériences autogérées et systématiquement, elles ont foiré ». Systématiquement, elles ont fini par reproduire les modes de fonctionnement dont elles souhaitaient se démarquer. Il en a tiré ce qu'il appelle la théorie de la dégénérescence. Donc les structures qui visent l'égalité, ça marche un temps, et puis progressivement, en quatre phases, on finit par reproduire ce qu'on rejetait initialement. Donc ça, c'est ce qu'il constate. Il dit « je n'ai vu que des moments d'autogestion ». Mais ce n'était pas durable, ce n'était pas pérenne. Et puis la deuxième chose qu'il nous dit, c'est et à chaque fois que ça échoue, il y en a qui recommencent et qui recréent des collectifs autogérés et systématiquement, ça échoue à nouveau. Donc, lui, il voit le verre à moitié vide. À chaque fois qu'on essaye, ça foire. En gros, nous ne savons pas faire durer des collectifs autogérés. Nous, on voit le verre à moitié plein. à chaque fois qu'on foire, on recommence. C'est bien la preuve qu'il y a une aspiration à l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a un désir d'égalité et un désir de fonctionnement autogestionnaire. Donc nous, notre défi, c'est de ne pas baisser les bras comme Albert Meister, mais se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir un fonctionnement autogéré dans la durée? C'est ça le principal défi. Deux stratégies possibles pour nous. La première stratégie, ça aurait été de recenser tous les moments où on foire dans nos structures de l'ESS, tous ces moments où on s'écarte des valeurs de l'ESS, et du coup, sous la forme d'une culture du précédent, faire une encyclopédie des échecs de l'ESS pour éviter de les reproduire. Parce que c'est ça, en fait, ce qui nous manque, c'est réussir à capitaliser sur nos échecs. Très vite, on s'est dit qu'il faudrait plusieurs tomes pour faire tout ça, que ni Simon ni moi n'aimons travailler beaucoup, donc on a préféré la stratégie adverse qui consistait à voir ce qui fonctionne dans l'ESS. Donc on a fait un tour de collectifs autogérés en France, une quarantaine de structures autogérées qu'on a pu questionner, et on a essayé de voir les trucs qui fonctionnaient dans ces différentes structures, en gros voir les problèmes qui ont été rencontrés et comment ces structures ont réussi à répondre de manière un petit peu originale, innovante, et des trucs qui fonctionnent. L'objectif n'étant pas de dire c'est comme ça qu'il faut s'organiser, mais en gros voilà le type de problème auquel on est confronté et voilà les différentes réponses qui ont pu être trouvées par tel ou tel collectif, sachant que chaque collectif doit trouver évidemment ses propres réponses. En gros, c'est ça l'idée. Donc on part des trois grandes valeurs qu'on identifie dans l'ESS, donc la démocratie d'une part, l'équité d'autre part, et puis je veux dire la coopération dans le sens du soin du collectif et des membres du collectif. On part de ces trois valeurs en se disant, en fait, si on prend vraiment ces valeurs à la lettre, sans doute que la conclusion c'est qu'il faut appliquer l'autogestion partout. Si on veut une véritable démocratie, sans doute qu'il faut avoir une vision un peu plus ambitieuse de la démocratie que l'élection de chef, par exemple. Si on veut vraiment de l'équité, ben sans doute qu'il faut se poser la question du partage des salaires, sans doute qu'il faut se poser la question aussi de la propriété. Si on veut prendre soin du collectif, etc., sans doute qu'il faut réussir là aussi à se passer de hiérarchie, se passer de chef, mais prendre en charge les fonctions qui sont aujourd'hui dévolues au chef. En gros, voilà les questions qu'on se pose, en essayant de pointer à chaque fois des points de vigilance, donc en disant, ben en fait, si vous voulez un fonctionnement démocratique, il faut vous poser certaines questions. Et après, libre à vous d'y répondre. Mais voilà, vous pouvez vous inspirer de tel ou tel collectif, mais il faut avoir en tête ces questions sur l'équité, même chose, point de vigilance, etc. En se disant aussi qu'il est très facile, en fait, de s'éloigner des valeurs qu'on porte au début, et donc de vérifier la thèse de la dégénérescence si on perd de vue ces points de vigilance. Du coup, je vous laisse la parole si vous avez des questions, remarques ou objections. Bonsoir. Deux questions. La première, c'est dans les 40, pour votre livre, les 40 structures, pour matérialiser un petit peu de ce qu'on connaît assez souvent, c'est les SCOP, sociétés coopératives. Est-ce que c'est surtout ce type de structure que vous avez vu, ou est-ce qu'il y en avait d'autres types? Et pareil, un peu pour matérialiser, est-ce qu'il y a un pays sur la planète qui a commencé un peu à mettre en place un type de revenu inconditionnel? Merci. Oui, bonjour. Moi, il me semble qu'il y a peut-être un point à aborder pour tout ce qui est scope et économie solidaire, à mettre en miroir, c'est le coût du capital dans l'entreprise. En fait, c'est le problème que rencontrent les scopes, c'est que par rapport à l'économie capitaliste, l'économie capitaliste, elle fonctionne sur une seule chose, c'est non seulement rémunérer le capital, mais surtout garantir au capital le fait de maintenir la rente pour ceux qui le détiennent. Donc, et du coup, dès qu'on est face à des grosses, si on veut mettre en place si c'est des grosses activités qui imposent un fort investissement financier, on se retrouve avec une limite assez rapide des moyens financiers des coopérateurs de la coopérative, ou à être tributaire d'un autre mode de fonctionnement qui impose donc ces règles. Moi, j'avais une question à propos de si on n'a pas de patron, est-ce qu'on s'est basé sur tout le monde a les mêmes compétences ou les mêmes facultés, ou sinon, s'il y a des gens qui ont plus de compétences que d'autres, comment on fait, et est-ce qu'on reviendrait pas au système du coup un peu de pyramide où une personne est le patron d'un autre? Moi, l'interrogation que j'ai, cette notion de tendance vers la dégénérescence, du coup, est-ce qu'il y a des axes de, pour casser cette tendance-là, en fait, par l'éducation, par exemple, ou autre? Parce que c'est un vrai changement de paradigme, du coup, que vous nous proposez. Donc, du coup, est-ce que c'est des choses qui ont déjà été étudiées? En fait, moi, je suis assez convaincu de ce que vous dites, bien sûr, et je suis convaincu que le peuple est capable de se gérer soi-même. Et que bon, il y a sûrement des raisons pour que les autogestions se cassent la gueule à chaque fois, mais qu'on veuille recommencer. Par contre, moi, ma grosse question, c'est en fait, les classes dominantes, on sait qu'elles ont une longueur d'avance sur la puissance qu'elles ont. Je voudrais savoir comment on peut faire, en fait, parce que la question va vite être là, comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Parce que je suis convaincu, effectivement, que l'autogestion, ça fonctionne, et que y a plein de gens... autour de nous qui savent faire fonctionner une société à petite échelle ou à différentes échelles. Par contre, comment on fait pour s'en débarrasser sans tout casser, quoi? Et peut-être que c'est la solution, j'en sais rien. Très bien, merci. Petit point de vigilance avant de répondre à ces questions. Nous sommes une assemblée plutôt mixte, je pense. Voilà, je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent en termes de prise de parole. Sur les structures, pour répondre dans l'ordre aux questions, sur les structures qu'on a pu observer, il n'y a pas que des scopes. Alors, moi, j'étais plutôt du côté coopérative, Simon était plutôt du côté association. Enfin, vu que, alors, moi, je viens plutôt du monde coopératif. Alors, même si, enfin, je dis viens du monde coopératif. J'ai bossé dans une société coopérative d'intérêt collectif, mais après, je suis militant dans pas mal d'associations, donc ce serait faux de dire que je suis que du côté des coopératives. Par contre, Simon a essentiellement bossé sur la sociologie du monde associatif. Donc, du coup, lui avait plutôt des associations, mais j'ai plutôt allé étudier des coopératives autogérées. Dans les coopératives autogérées, on avait des SCOP et des SIC. Donc on avait un petit peu de tout. On n'est pas allé voir les fondations, on n'est pas allé voir les banques et on n'est pas allé voir les mutuelles dans les structures de l'ESS. Et donc tout type de structure avec des tailles différentes, des secteurs économiques, des secteurs d'activité différents également. Je laisse de côté pour le moment la question du revenu inconditionnel. Donc sur le coût du capital, alors cette histoire de coût du capital, logiquement c'est un avantage pour les coopératives et a fortiori pour les associations. C'est-à-dire que dans les associations, évidemment, il n'y a pas de capital à rémunérer. Donc ça, c'est tout bénef. Dans les coopératives, la rémunération du capital vient à la fin. C'est-à-dire que déjà, on peut tout à fait dire dans les statuts, on ne rémunérera pas le capital. Donc moi, dans la coopérative dans laquelle je bossais, dans nos statuts, il y avait 100% des bénéfices sont réinvestis dans la coopérative. Il n'y avait pas de rémunération du capital. C'est toujours une coopérative sans but lucratif. Et donc tout ça, c'est tout bénef aussi. Ça permet d'économiser cette rémunération du capital. Pour autant, effectivement, ça peut poser des problèmes en matière d'investissement. C'est un vrai souci que rencontrent les coopératives, alors qu'il est compensé pour partie par les outils qui sont développés, notamment par les unions régionales des SCOP, qui ont des fonds spécifiques pour investir dans les, enfin pour permettre à des coopératives de se lancer ou d'investir. Mais si vous voulez aujourd'hui vous lancer dans l'aéronautique avec une coopérative, c'est chaud. C'est chaud. Si vous voulez, par exemple, rouvrir une ligne de train avec une coopérative, c'est chaud. C'est chaud. Enfin, ça suppose des levées de fonds citoyennes régulières, considérables, un fort soutien populaire. C'est pas simple. C'est pas simple. Pour autant. Oui, alors du coup, non, ouais, le capital, double problème. Donc d'une part, le capital, c'est ce qu'on va investir dans l'entreprise. Et une des difficultés aujourd'hui, c'est que ceux qui apportent ce capital peuvent être gourmands en termes de rendement. Donc vont demander des niveaux de rémunération qui sont particulièrement élevés. Et ça, on ne l'a pas. Dans la plupart des structures de l'ESS, on ne l'a pas. Dans les associations, parce qu'il n'y a pas de propriétaire du capital. Et dans les coopératives, parce que ça passe, les propriétaires du capital passent en dernier. Et la plupart du temps, les propriétaires du capital sont aussi les usagers ou les salariés. Donc pour les SIC ou pour les SCOP. Donc ça permet d'économiser le coût du capital. Mais donc pour autant, il peut être compliqué de développer des activités qui sont particulièrement, enfin qui demandent particulièrement d'investissement, donc particulièrement de capital. Et ce que je disais, c'est que malgré tout, ça laisse, enfin si on laisse de côté ces activités qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de capitaux pour être lancées, ça nous laisse quand même pas mal de structures qui restent propices au fonctionnement des, au mode d'organisation des coopératives. Il n'y a pas que de la grande industrie, pour le dire clairement. Il y a plein de structures, si on regarde autour de nous, qui pourraient tout à fait rentrer dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Sur la question des compétences, est-ce qu'on peut imaginer s'organiser sans chef si on n'a pas toutes et tous les mêmes compétences ? Alors ça, c'est l'objet de la première section de la quatrième partie du livre Travailler sans patron, où en fait on revient sur la question de l'organisation du travail, comment est-ce qu'on s'organise et notamment comment est-ce qu'on organise la polyvalence, parce que ce qu'on a pu observer, c'est que dans les structures autogérées, généralement la norme c'est la polyvalence avec deux objectifs derrière cette norme de polyvalence: d'une part le partage du pouvoir, d'autre part le partage de la pénibilité, puis il y a un troisième objectif subsidiaire qui est davantage de plaisir au travail. En fait, on se rend compte que quand on a des activités professionnelles qui sont variées, eh ben c'est plus sympa. En fait, ça permet de varier les plaisirs aussi. Alors, c'est ce qu'on trouve chez Fourier quand il parle de rendre le travail attrayant, et qu'il dit ben, il y a trois valeurs qui doivent être portées dans le travail pour qu'il devienne attrayant. Il y a notamment deux qui sont liées à la polyvalence, la papillonne et la composite. La composite, c'est avoir des activités multiples. La papillonne, c'est pouvoir changer d'activité en fonction de nos envies. Donc la polyvalence va être portée par les structures autogérées, mais la polyvalence est systématiquement aménagée parce que très vite, on s'aperçoit... assez vite, dans le développement de la structure, on s'aperçoit que tout le monde fait tout. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Donc ça va impliquer une forme de spécialisation. Encore une fois, la norme reste à polyvalence, mais on aménage. J'écoutais tout à l'heure le pain des loups, du coup, ou pain du loup, le pain du loup. Donc c'était Marc, si je me souviens bien, du pain du loup, qui a expliqué le fonctionnement et qui disait ils sont quatre et tout le monde fait tout. Et c'est effectivement ce qui se passe généralement au début. Et puis, si on commence à grossir, généralement, on finit par se spécialiser un petit peu, avec plein d'amendements, hein, ceci dit, enfin, la spécialisation n'est pas totale, etc. etc. Mais pour autant, on peut tout à fait avoir ce mode de fonctionnement sans réinstaurer de principes hiérarchiques. Alors, du coup, j'insiste sur ce point. L'enjeu, c'est d'identifier les lieux de pouvoir, ce qui donne du pouvoir, et faire en sorte qu'il ne soit pas personnalisé. C'est ça l'enjeu. Et donc concrètement, ça va se traduire par une chose très très simple, c'est que dans une structure autogérée, on ne se donne pas d'ordre. Le principe du pouvoir, c'est la capacité d'une personne à obliger une autre personne à faire quelque chose, sous peine de sanction. Ou la capacité d'une personne à ne pas faire, donc à se soustraire à une partie du boulot, ou la capacité d'une personne à décider pour les autres. Mais en fait, dans les structures autogérées, il n'y a pas ça. C'est ça la hiérarchie, en fait. C'est ça la hiérarchie, c'est vraiment le cœur du problème. Et donc, dans les structures autogérées, il n'y a pas cette capacité à donner d'ordre. On peut donner des consignes, on peut donner des conseils, mais on ne donne pas d'ordre. C'est ça le principe. Même si on n'a pas toutes et tous les mêmes compétences, il peut y avoir une autorité technique. Certaines vont mieux maîtriser tel ou tel pan de l'activité, et donc quand ils donnent des conseils, bon, on a tendance à les suivre. Mais c'est pas pour autant qu'on va avoir la possibilité de donner des ordres. Donc pas forcément de lien hiérarchique. C'est ça la grosse différence. Je sais pas si je suis clair. Ouais. Sur l'éducation pour lutter contre la dégénérescence, sans doute. Alors là, il y a deux problèmes. C'est sans doute nécessaire, mais clairement ça ne suffit pas. Et surtout, ce que ça montre comme problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les structures autogérées, si je le dis de manière un petit peu provoque et un peu schématique, l'autogestion, c'est un truc de bac plus 5 en sciences sociales aujourd'hui. Et ce n'est pas satisfaisant. Moi, je suis allé du coup interroger quelques coopératives autogérées sur Lyon. Et on trouve des boulangeries, des épiceries, des bars autogérés, etc. avec plein de gens qui ont des bac plus 5 en sciences politiques. Et c'est cool qu'il y ait des gens qui ont un bac plus 5 en sciences politiques, qui soient épiciers, boulangers, etc. Mais simplement, quand on n'a que ça dans ces structures, on se dit qu'on rate quelque chose. en termes d'autogestion. Enfin, si l'autogestion, c'est un truc qui est réservé aux super diplômés, on passe à côté d'une partie quand même de la population, et c'est dommageable. Donc on ne peut pas juste s'appuyer sur cette logique d'éducation pour lutter contre la dégénérescence. Nous, ce qu'on essaye de dire dans le livre, c'est que si nos structures de l'ESS autogérées veulent éviter la dégénérescence, il faut donc, en termes d'organisation, mettre en place plein de garde-fous qui nous obligent à avoir tous les points de vigilance qu'on pointe toujours en tête, et donc systématiquement questionner notre fonctionnement. Encore une fois, c'est super simple de suivre la pente de la dégénérescence. Je prends juste quelques exemples, ça va forcément vous parler si vous êtes dans des associations, en tant que bénévole, dans des conseils d'administration, etc. Dans toutes les associations, on est obligé de faire des AG, et souvent, on fait des AG qui sont des moments juste chiants, et personne ne vient, mais à chaque fois, on vote, et à chaque fois, les décisions sont prises à l'unanimité. On vote le rapport moral, on vote le rapport financier, et surprise, il y a 100% des gens qui sont pour les deux. C'est difficile d'appeler ça de la démocratie. Mais la plupart du temps, on s'en contente. Et en fait, il faudrait toujours avoir un point de vigilance, et se dire, mais en fait, imaginez, soyons fous, imaginez un pays dans lequel on ferait des élections, et lors de ces élections, une toute petite partie de la population s'exprimerait. Est-ce qu'on appellerait encore ça une démocratie ? Ça semblerait chaud quand même. Ça suppose d'avoir ce point de vigilance en tête et de se dire, en fait, si on n'a pas une participation suffisante à nos AG, ben, on ne peut pas s'en satisfaire. Mais aujourd'hui, c'est très facile de s'en satisfaire. Donc en fait, si je reprends l'exemple de la démocratie, ce qu'on dit, c'est que la démocratie, donc, c'est un idéal, c'est des principes. Ensuite, c'est des principes qui vont se traduire donc, dans des statuts, avec des pratiques particulières. Et enfin, il y a une culture de la démocratie. Et en fait, vous voyez qu'entre l'idéal et la culture, il peut y avoir un glissement progressif qui fait qu'on va s'éloigner assez facilement de la démocratie. Cet idéal, par exemple, une personne, une voix, peut être traduit dans des statuts de manière à exclure une partie. C'est ce qu'on appelle le périmètre de la démocratie. L'exemple qu'on prend tout le temps, c'est quand on cherche un modèle de la démocratie, généralement on dit la démocratie athénienne. C'était quand même génial, la démocratie athénienne. C'est eux qu'on pensait, qu'on formalisait ce principe, un homme, une voix, avec Solon, etc. Bon, j'ai dit un homme, une voix. À l'arrivée, c'est littéralement un homme, une voix. C'est-à-dire que si vous êtes une femme à Athènes, bah, vous n'avez pas voix au chapitre. Si vous êtes étranger à Athènes, vous ne faites pas partie du périmètre des citoyens non plus. Si vous êtes esclave à Athènes, vous ne faites pas partie non plus du périmètre de la démocratie. Donc on peut partir d'un principe et avoir une concrétisation dans les statuts qui déjà va exclure une partie des membres potentiels. Ensuite, on passe des statuts aux pratiques et on s'aperçoit que là aussi, il peut y avoir un décalage. Je reprends un exemple fictif. Imaginez un État dans lequel le gouvernement... Enfin, je ne sais même pas quel exemple prendre. Il y en a tellement. Le gouvernement ferait passer systématiquement des lois en utilisant un article qu'on appellerait 49.3. Moi, je veux bien que ce soit prévu dans les statuts. Par contre, il y a une différence entre la loi et l'esprit de la loi. Enfin, là, on respecte la loi. Est-ce que c'est vraiment l'esprit de la loi ? On peut faire exactement la même chose dans nos structures de l'ESS. En fait, on a des principes et puis on s'écarte dans la pratique de ces principes. Et donc, c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir une culture de la démocratie. Donc là, concrètement, on a les structures autogérées. Cette culture de la démocratie, c'est la détestation des chefs. Identifier, encore une fois, systématiquement le pouvoir. Je prends un exemple simple personnel dans la coopérative dans laquelle je bossais avant. Donc, je disais, c'était une coopérative autogérée. Il n'y avait pas de chef. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, un de mes collègues nous a donné un ordre. Et bien pire que ça. Alors j'en parle avec beaucoup de sympathie, c'est un très bon copain par ailleurs. Je l'ai entendu parler à quelqu'un, j'étais là, et il a dit « mes salariés ». Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça a pu nous écorcher qu'ils disent mes salariés. Bon, la culture de la démocratie consiste à le reprendre systématiquement, à dire ben en fait là ce qui vient de se passer là, c'est une volonté hiérarchiste qui s'est exprimée et c'est juste pas possible. La culture de la démocratie, du coup, c'est systématiquement ça. Donc tout ça pour dire que il ne s'agit pas simplement de s'appuyer sur une logique d'éducation, mais mettre en place plein de verrous systématiquement dans nos modes d'organisation pour nous obliger à nous poser toutes les questions qui, si on ne se les pose pas, nous amènent sur la pente, immanquablement sur la pente de la dégénérescence. Alors, il reste deux questions chiantes pour le moment. Je dis chiantes, à amicalement, hein, chiante dans le sens des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse qui me semble complètement satisfaisante. Alors, sur le revenu inconditionnel, à la limite, c'est la moins chiante des deux. Sur le revenu inconditionnel, est-ce que le revenu inconditionnel a été mis en place quelque part aujourd'hui dans le monde tel que je voulais présenter, non. Le revenu inconditionnel, anti-productiviste, anti-capitaliste, décroissant, etc., il a été mis en place nulle part. Il y a des bouts de revenus inconditionnels qui ont été mis en place dans certains pays, je pense à l'Alaska par exemple, mais ça ressemble plus à une prime de Noël. Donc on n'est pas tout à fait sur le même type de proposition. Il y a des... Juste pour préciser le côté prime de Noël, en Alaska, il y a ce qu'ils appellent un dividende citoyen qui a été mis en place et qui est financé par la manne pétrolière. Donc du coup, et c'est versé une fois par an en fin d'année. C'est pour ça que c'est plus prime de Noël et c'est un montant qui est relativement faible. Après, il y a des expérimentations qui ont été testées, notamment des grosses expérimentations aux États-Unis et au Canada dans les années 70 et au début des années 80. Mais ça reste que des expérimentations avec un terrain d'application relativement petit. L'ensemble des ménages n'était pas touché et puis c'était sur une période limitée, ce qui fait que dans tous les cas, on ne peut pas en tirer de véritables enseignements. Si demain, je vous dis, je vous verse un revenu inconditionnel pour les trois prochaines années, ça ne va pas... Ça va changer votre vie, mais ça ne va pas changer votre vie, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous n'allez pas changer radicalement de vie simplement parce que vous savez que pendant 3 ans, vous allez avoir un revenu. Si c'est un revenu à vie, là, ça change la donne. De la même manière, si vous êtes seul dans votre entourage à percevoir ce revenu inconditionnel, vous êtes dans la situation des gagnants du loto, en gros. Et ça, ce n'est pas un changement sociétal qui permet de tirer des enseignements de dingue. Donc le revenu inconditionnel n'a pas été encore testé. Ceci dit, moi, ma position a évolué par rapport au revenu inconditionnel. Donc, ça fait longtemps que je le défends. Mon premier bouquin sur le revenu inconditionnel, il doit dater de la fin des années 2000. Au départ, j'étais naïf, je vais dire ça comme ça. Je croyais fermement en la mise en œuvre possible d'un revenu inconditionnel. Aujourd'hui, j'en suis un petit peu revenu. Alors, non pas que je me dise que le revenu inconditionnel n'est pas une bonne proposition, mais je me dis, en fait, le jour où on sera en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel, on n'aura plus besoin de revenu inconditionnel. Pour le dire clairement, si un jour... on se dit, mais bien sûr, il nous faut un revenu inconditionnel, antiproductiviste, etc. Ça veut dire que la majorité de la population sera devenue antiproductiviste, etc. Et donc, sans doute qu'on aura déjà changé la société. Le revenu inconditionnel vient répondre aux problèmes de notre société actuelle. Donc, sans doute, il faudra repenser une autre forme de revenu inconditionnel quand on aura réussi à changer la société. C'est pour ça que, sans doute, on n'aura pas de revenu inconditionnel. Enfin, on n'a pas de revenu inconditionnel dans le monde aujourd'hui. On n'aura sans doute pas de sitôt. Peut-être mon côté pessimiste qui parle, en France non plus, sauf si nous arrivons à transformer la société auparavant. Enfin, la question de la résistance du capital. Alors ça, c'est une difficulté qu'on a quand on présente, ça fait donc maintenant quelques mois qu'on présente le livre, Simon et moi. Et globalement, donc, on arrive à montrer qu'il est possible de s'organiser sans chef, que c'est cool de s'organiser sans chef. Alors moi, j'ai tendance à dire, ayant eu l'expérience de l'autogestion, que c'est vraiment plaisant de s'organiser sans chef et de voir que c'est possible de s'organiser sans chef et que les relations hiérarchiques posent vraiment problème. Par contre, une fois qu'on a travaillé sans chef, on devient inadapté pour le travail. Moi, je dois vous le confesser, du coup. Moi, j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à travailler dans une organisation hiérarchique avec quelqu'un qui me donnerait des ordres. Je pense que je réagirais très très mal à des ordres, par exemple. Enfin, je me dis, même dans les interactions humaines, la logique de l'ordre me pose vraiment... mais c'est mon côté anarchiste, pour le coup. Me pose vraiment problème. Donc, en fait, on voit qu'il peut y avoir un vrai intérêt à développer l'autogestion, mais on dit, mais alors comment est-ce qu'on peut transformer nos entreprises en structures autogérées, etc. Et en fait, transformer nos entreprises en structures autogérées, ça suppose l'accord des chefs, ça suppose l'accord des patrons. Et ça, c'est compliqué. Et là, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans ce qu'on appelle l'autogestion néolibérale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des entreprises libérées, par exemple. Les entreprises libérées, ce sont des entreprises dans lesquelles les patrons décident de donner beaucoup d'autonomie à leurs salariés. Et pour donner beaucoup d'autonomie à leurs salariés, souvent, elles font disparaître les hiérarchies intermédiaires. Donc, en disant, maintenant, il n'y aura plus de cadre, et puis on va mettre en place une organisation horizontale, etc. Ils font ça, alors ils peuvent faire ça pour plein de raisons différentes. Ils peuvent se dire, c'est plutôt cool d'avoir ce type de mode de fonctionnement. Ils peuvent se dire aussi, c'est plutôt rentable d'avoir ce type de fonctionnement. La difficulté, c'est que... si on fait ça, on ne remet pas en cause la question de la propriété. Je prends un exemple. Il y a un documentaire qui est passé il y a quelques années sur Arte qui s'appelle Le Bonheur au Travail, où on voit des exemples d'entreprises libérées. Il y a un exemple qui m'a marqué. C'est un producteur de vin en Californie. Donc il est patron, il a des salariés et il décide de transformer son entreprise en entreprise libérée. Et il dit, ben maintenant, il dit à ses salariés, maintenant je vais vous donner beaucoup d'autonomie, donc c'est vous qui allez faire tourner l'entreprise, je suis plus votre chef, je pars en vacances d'ailleurs, pour les 12 prochains mois, je reviendrai récupérer les bénéfices à la fin de l'année, si vous avez des soucis, m'appelez pas, en fait, gérez-les, parce que vous êtes autonome, et en fait c'est tout bénef. C'est tout bénef. Donc on a la possibilité de déléguer tous les problèmes à d'autres et d'empocher juste les bénéfices parce qu'on est propriétaire. Premier problème de l'émancipation néolibérale. Deuxième problème, si ce mode de fonctionnement ne convient plus au patron, eh ben, il peut simplement revenir et dire « Hop, en fait, non, j'ai changé d'avis » et on reprend un mode d'organisation complètement pyramidal. Donc en fait, on a un vrai souci avec cette question de la propriété. Il est difficile d'imposer à un chef une organisation autogérée qui passe nécessairement par le partage de la propriété. La question de la stratégie, maintenant. Donc tu disais, je ne sais plus comment tu as dit, faire la révolution. Donc, nous, la stratégie qu'on défend dans le livre « Travailler sa patron », c'est créons nos collectifs autogérés. Et donc, si on crée nos collectifs autogérés, faisons en sorte qu'ils puissent perdurer, donc ayons en tête les points de vigilance, etc. Imaginer une transformation de l'ensemble des structures, des entreprises actuelles en structures autogérées, ça me semble compliqué, mais rien n'empêche de construire, du coup, à la marge, de déserter en gros les entreprises hiérarchistes et puis d'en créer d'autres autogérées autant que possible. Et puis l'autre stratégie que j'aurais tendance à développer, enfin à proposer, c'est en lien avec un autre projet que je porte et sur lequel, duquel je parlais ce matin ici, un projet de coopérative immobilière. Alors pour le resituer très très vite, généralement, on baigne dans une idéologie propriétaire qui consiste à dire la propriété privée individuelle et lucrative est le meilleur mode de gestion des entreprises. Donc c'est ce qui est le plus efficace, etc. Quand on critique cette idéologie propriétaire, généralement, la menace qui est pointée en réponse, c'est attention, si vous remettez en cause la propriété privée individuelle et lucrative des entreprises, alors la prochaine étape de ces communistes avec le couteau entre les dents, ce sera de remettre en cause la propriété privée de vos logements. Et c'est comme ça qu'on a le verrou propriétariste. Il y a une majorité de propriétaires en France, et donc ces propriétaires ne seront jamais d'accord avec le fait qu'on remette en cause la propriété de leur logement. Donc, si vous voulez protéger la propriété de vos logements, protégez la propriété des entreprises. Le raisonnement qu'on a avec des copains-copines avec qui on porte un projet de coopérative immobilière, c'est commençons par remettre en cause la propriété privée des logements. Et quand nous aurons remis en cause la propriété privée des logements, alors il sera beaucoup plus facile de remettre en cause la propriété privée des entreprises. J'en dis deux mots tout de même. L'idée, c'est de remettre en cause la propriété privée, individuelle et lucrative des logements, tout en conservant une logique de propriété d'usage. Et en fait, en disant la propriété doit se limiter à l'usage. Il ne s'agit pas de faire une distinction entre petite propriété et grande propriété, mais faire une distinction entre propriété d'usage et propriété lucrative. En gros, ce qu'on dit, c'est un logement, c'est fait pour habiter, c'est pas fait pour spéculer. Et donc, limitons les droits de propriété pour qu'il ne soit plus possible de spéculer. Et si on arrive juste à une logique de propriété d'usage, alors on peut tout à fait imaginer créer un pot commun de logements dans lequel, au sein duquel on pourrait circuler, mais qui sorte les logements systématiquement du marché. Et si on est capable de faire ça sur le logement, alors il sera beaucoup plus facile de dire en fait, les entreprises, elles doivent être aussi considérées comme des biens communs, et donc partagées. Je crois que j'ai répondu à la plupart des questions. Est-ce qu'il reste encore des questions en suspens ? Je voulais juste savoir, les exemples dont vous avez parlé aux États-Unis et au Canada, combien de temps ont-ils duré et dans quels états est-ce que ça s'est passé ? Bonjour et merci beaucoup pour la clarté de ces propos. Vous commenciez à évoquer là des méthodes, des débuts de démarche pour répondre à ce comment se débarrasser des patrons, appliqués notamment là au logement ou au foncier à l'immobilier. Est-ce que vous voyez d'autres sujets thématiques de notre société sur lesquels ça serait applicable et d'autres idées de dispositifs ou de par où ça commencerait ? Merci beaucoup. Et j'aurais bien aimé compléter en J'ai vu, enfin, Baptiste, quand tu parles d'autogestion, tu parles beaucoup du coup de salariat, de travail salarié. Et je voulais savoir si vous aviez rencontré des. Enfin, ce que vous tirez de vos rencontres d'associations autogérées, où la question de partage de la pénibilité et de la chefferie se fait entre bénévoles et salariés. Et quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on en retire, quels garde-fous vous avez pu trouver là-dedans? Oui, ce que j'aimerais savoir, comprendre, c'est comment se fait-il que des gens qui sont au bas de l'échelle sociale trouvent normal qu'un tel, un tel gagne un pognon de dingue, comme dirait l'autre, et comment les classes sociales défavorisées votent quand même beaucoup pour des gens qui vont à l'encontre de leurs intérêts. De classe. Des gens favorisés qui votent... Non, des gens défavorisés qui votent contre leur intérêt de classe. Bonjour. J'ai une question en tant qu'égalitariste radical convaincu, savoir si vous aviez un avis sur l'avantage de l'organisation hiérarchique en situation de crise par rapport à une organisation égalitariste. Voilà. Alors, concernant les expérimentations du revenu inconditionnel aux États-Unis et au Canada, j'ai pu avoir les noms des villes en tête. Il y en avait un petit peu partout aux États-Unis, mais alors c'était pas dans des grandes villes. J'ai pu retrouver les villes, essentiellement de la côte est, et puis je sais plus si c'était dans l'Illinois ou dans l'Indiana, je ne sais plus dans le centre, et dans la ville de Dauphin au Canada, même chose, je vais il est trop tard là dans la journée pour que je retrouve les régions. Ça se trouve assez facilement sur internet. Je pense en avoir parlé dans un de mes livres également. J'en parle pas dans les deux derniers, mais ça se trouve assez facilement. Sur la durée la plus longue, ça a duré 8 ans. Mais en fait, il faut voir que c'est des expérimentations. En fait, c'est de la recherche. Et imaginez le budget que ça implique de verser un revenu inconditionnel à un nombre conséquent de personnes pendant longtemps. En fait, c'est ça qui a posé problème. Enfin, c'est ça qui pose problème au bout d'un moment. C'est qu'il faut réussir à financer ça. Puis après, il y a eu une décision politique aussi qui a été prise de ne pas poursuivre dans cette voie-là. Sur la question, je les prends dans le désordre, sur la question des associations autogérées, alors effectivement, une des difficultés dans les associations, c'est que il est plus difficile d'avoir une association autogérée dans la mesure où les salariés sont généralement exclus des CA, des associations, enfin en gros pour le dire clairement, pour qu'une association continue à avoir une gestion désintéressée, il ne faut pas que les salariés soient trop présents dans le CA. Ce qui pose des difficultés. Alors ça pose plein de problèmes en plus dans les relations entre bénévoles et salariés. Ça, c'est très bien étudié par Simon, parce que ça va. Ouais, je vais le dire comme ça. Le fait qu'il y ait une cohabitation entre bénévoles et salariés, ça a tendance à avoir une incidence négative sur les conditions de travail à plusieurs égards. D'une part, du côté des administrateurs, administratrices bénévoles. On peut souvent se retrouver avec des administrateurs et administratrices qui sont dans le CA pour filer un coup de main, parce qu'il fallait des noms à mettre sur la liste des membres du CA, même dans le bureau. Et donc ils se disent, moi je suis OK pour filer un coup de main, mais sans avoir conscience qu'en rentrant dans le CA, ils doivent prendre la casquette d'employeur. Qu'être employeur, ça suppose des connaissances, des compétences, des connaissances en droit du travail, par exemple. Et en fait, quand on n'a pas ces connaissances, on peut en toute bonne foi introduire des conditions de travail qui sont illégales, qui ne respectent pas le droit du travail. On peut aussi avoir des administrateurs, administratrices qui sont bénévoles et qui se disent moi je bosse, je suis bénévole. Donc le salarié idéal, ce serait un salarié qui accepterait d'être un peu bénévole aussi. Moi, je ne suis pas payé pour faire le boulot. Ils peuvent aussi, alors qu'ils sont payés, faire un peu de boulot qui n'est pas payé. Ensuite, l'autre problème de la... Là, je ne présente que les problèmes, mais il peut aussi y avoir des avantages. L'autre problème de la cohabitation entre salariés et bénévoles, c'est que quand vous êtes salarié et que vous êtes sur les mêmes tâches que des bénévoles, En fait, c'est compliqué de justifier votre rémunération. Et surtout, ça va avoir un impact à la baisse sur les salaires, parce que ça va être encore plus compliqué de justifier des augmentations, par exemple, des revalorisations salariales. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, dans les associations, il est plus compliqué d'avoir un fonctionnement autogéré. Pour autant, on en a rencontré quelques-unes qui s'en sortent, en instaurant une sorte de fluidité dans le passage entre salariés et bénévoles. Je pense notamment à une structure qu'on a anonymisée dans le livre, une structure qui est basée dans la Creuse, dans laquelle, en fait, ils parlent de permanents. Ils ne parlent pas de salariés ou de bénévoles, ils parlent de permanents. Et en fait, les permanents et permanentes passent du statut de salarié au statut de bénévole au gré de leurs besoins financiers. Du coup, en alternant aussi entre des périodes de salariat et des périodes d'indemnisation chômage. Et en fait, au moment où ils prennent les décisions, ben en fait, on ne va pas regarder le statut. Est-ce que tu es salarié, est-ce que tu es bénévole? Mais en fait, non, tu fais partie des permanents permanentes, donc tu participes à la prise de décision. Ce qui suppose, vous le voyez, de faire un petit pas de côté par rapport au cadre légal des associations en gestion des intéressés. Mais donc voilà, ça suppose ce type d'aménagement pour pouvoir maintenir un fonctionnement autogéré, ou alors il faut réussir à bien gérer les relations entre salariés et bénévoles. Sur la question des qu'est-ce qui fait que des perdants de la distribution des salaires peuvent valider l'existence de rémunérations délirantes et voter contre leurs intérêts. Deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel en philosophie politique. C'est l'idée, je ne sais pas si vous voyez un peu dans un tunnel, on a toujours l'impression que la sortie, c'est juste là. Et en fait, le temps qu'on y soit, il va falloir attendre vachement. Et donc là, c'est exactement ça. On a le sentiment, si je reprends l'image de la Tour Eiffel, on a le sentiment que ceux qui sont en haut de la Tour Eiffel, ils sont à portée de main, et que nous aussi, demain, on va pouvoir gravir les échelons, enfin les escaliers en l'occurrence, et arriver en haut de la Tour Eiffel. Donc surtout pas interdire ce niveau de rémunération, parce que ce serait nous brider également. Dans les faits, c'est il y a peu de chances que, enfin, de toute façon, nous ne pourrons pas toutes et tous arriver en haut de la pyramide. C'est le principe d'une pyramide. Mais on peut avoir l'illusion qu'on va y arriver. Et après, sur le fait qu'on peut être amené à voter contre ses intérêts, alors ça, c'est un politiste qui s'appelle Thomas Frank, qui a réfléchi à ça, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi les pauvres votent à droite ?». Il est américain. Et lui, il explique ça notamment par la peur de la dernière place. Tant que vous êtes avant-dernier, vous n'êtes pas dernier. À partir du moment où vous votez pour des mesures de redistribution, vous avez des chances d'avoir un niveau de vie absolu qui va augmenter, mais d'être rattrapé par les derniers. Donc c'est ça qui expliquerait notamment le vote de catégories populaires de certains membres des catégories populaires contre leurs intérêts. Donc c'est notamment ça l'explication. Il me reste deux questions. Est-ce que je vois d'autres éléments dans lesquels sur lesquels on pourrait agir si on veut, je ne sais plus comment tu avais formulé ça, développer l'autogestion ou quel type de secteur dans lesquels on pourrait aller. Globalement, la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont nos chaînes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on est dépendant de structures dont on souhaiterait s'émanciper, et donc ça renvoie de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin pour vivre. Donc moi, avant de plancher sur les questions de logement, j'ai pensé sur les questions d'alimentation. Donc la coopérative autogérée dans laquelle je bossais, ça s'appelle Alter Conso, donc c'est une coopérative, une sorte de grosse AMAP qu'on a créée sur Lyon avec des copains-copines à l'issue de nos études. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur les questions d'alimentation, et donc typiquement les projets de sécurité sociale de l'alimentation me semblent être une bonne piste pour essayer autant que possible de briser les chaînes qui nous conduisent à aller dans plein de magasins qu'on souhaiterait arrêter de fréquenter, par exemple. La question du logement, c'est ça. Quelles sont nos chaînes? Et une fois qu'on identifie clairement nos chaînes, trouvons des solutions pour s'en émanciper autant que possible. Et sur la question de la hiérarchie en temps de crise, alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. On nous dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des secteurs dans lesquels la hiérarchie est vraiment indispensable? Moi, j'ai tendance, avec Simon, on n'a pas la même réponse là-dessus. Moi, j'ai tendance à dire, je prends l'exemple des apatistes. Les apatistes, en fait, ils ont mis en place au Chiapas, ils ont mis en place un mode de fonctionnement autogéré à l'échelle d'une société tout entière. Et il y a un secteur qui échappe à l'autogestion, c'est l'armée. Donc, ils ont une armée, et ils disent, dans cette armée, il y a une hiérarchie. Ils se disent, on a absolument besoin d'une hiérarchie, parce que si jamais on doit intervenir, à aucun moment on va commencer par se mettre en cercle et puis faire un tour de météo pour savoir comment tout le monde va, et puis faire des décisions constantement, etc. Non, en fait, il va falloir réagir vite. Et pour ça, il faut une hiérarchie. Là-dessus, Simon n'est pas tout à fait d'accord, parce qu'il prend l'exemple des pirates. Et il dit, dans les organisations de pirates, il n'y a pas de chef. En fait, il n'y a pas de chef, sauf au moment où il y a bataille. Mais sinon, tout le reste du temps, il n'y a pas de chef. Et donc, lui, il met plutôt en avant ce dont on parle dans le livre aussi, la question de la saisonnalité du pouvoir. On peut avoir des chefs, mais pendant un court moment, et puis dès que ce moment est passé, paf, on repasse avec un fonctionnement parfaitement horizontal. Là, en l'occurrence, je prends un exemple de crise que les apatistes ont dû gérer, donc la crise du Covid. En fait, assez vite, malgré leur fonctionnement horizontal, ils ont pris la décision, alors quand je dis assez vite, plus vite que le gouvernement mexicain par exemple, ils ont pris la décision de se confiner, de réduire les interactions pour limiter la circulation du virus, et donc le tout avec un fonctionnement horizontal. Donc il est possible quand même d'avoir ce type de fonctionnement, même sans hiérarchie. J'ajoute, puisqu'on doit se diriger quand même vers la fin de cette conférence, sauf si il y a des mains qui se lèvent et une frustration énorme qu'il faudrait absolument soulager. Mais bon, très bien. Non, j'ajoute juste, parce qu'on finit toujours nos interventions comme ça avec Simon. En fait, à chaque fois qu'on parle de structure autogérée, d'organisation sans chef, donc le principal réflexe, c'est de dire mais non, mais en fait, c'est pas possible ou c'est difficile, etc. C'est pas possible ? Non. C'est possible, encore une fois, je l'ai vécu. C'est difficile ? Oui, sans aucun doute. Mais si on dézoome, en fait, on s'aperçoit que n'importe quelle organisation humaine est difficile. En fait, vu qu'on est dans une société hiérarchiste, on part du principe que la hiérarchie, c'est la norme, c'est comme ça que ça doit se passer, on ne peut pas faire autrement, etc. Mais en fait, on oublie que c'est super chiant. Quand on nous dit dans l'autogestion, il n'y a pas de problème, on peut répondre de la même manière, mais dans les organisations hiérarchiques, mais il y a plein de problèmes. Plein de problèmes. Et ça nous semble juste normal. Et c'est dommage que ça nous semble normal. Donc nous, on dit, il faut inverser la norme. Et se dire, d'organiser sans chef, ça doit être notre objectif. On voit que c'est possible et c'est quand même vraiment plaisant. Et on se dit, du coup, bien sûr, il y a des problèmes. On ne dit pas, passons en autogestion et ce sera génial, il n'y aura que des jours heureux, etc. Non, non, non, il y aura plein de trucs chiants à gérer. Simplement, ce qu'on dit aussi, c'est, au moins, choisissons les problèmes qu'on veut traiter. Choisissons les problèmes qu'on veut gérer. Est-ce qu'on veut gérer les problèmes des organisations hiérarchistes ? En gros, est-ce qu'on veut gérer les problèmes des organisations qui n'appliquent pas la démocratie ? Qui ont des problèmes d'injustice à traiter ? Parce que clairement, une organisation hiérarchiste, c'est ça que ça implique. Je parlais de hiérarchie d'injustice salariale tout à l'heure. En gros, ça, c'est des problèmes qu'il faut gérer. Si vous avez une entreprise et que vous mettez en place une grille de rémunération qui est juste, qui est injuste, qui est aberrante, il va falloir le justifier, c'est des problèmes à gérer, des frustrations, etc. etc. Est-ce qu'on veut gérer ce type de problème ou est-ce qu'on veut gérer les problèmes qui sont liés à la démocratie et à l'équité ? Nous, on se dit, à choisir, si on veut consacrer du temps à quelque chose, autant consacrer du temps à gérer des problèmes qui sont en accord avec nos valeurs. Donc, gérons les problèmes de la démocratie, gérons les problèmes de l'équité, gérons les problèmes de la coopération, plutôt de consacrer l'essentiel de notre temps à gérer des problèmes qui sont en total désaccord avec nos valeurs. En fait, c'est ça le s'il y a un truc à retenir de tout ça, c'est ça. Aujourd'hui, on consacre notre temps aux mauvais problèmes.